La voiture devant freine et son conducteur a indiqué son intention de tourner ou de s'arrêter avec le clignotant à droite. Il est vrai que cela peut devenir gênant, mais avant d'emprunter la voie de gauche, il faut être certain de ne pas gêner quelqu'un qui arriverait en face. Ici, la visibilité ne permet pas un dépassement en sécurité. Il ne me reste qu'à freiner en attendant qu'il ait fini de tourner ou d'avoir une meilleure visibilité en face. Réponse B.